Mes propos à moi n'engagent que moi. Je crois, je pense qu'ils sont divins dans ma compréhension, bien entendu. Alors, je suis un peu pamphlétaire, c'est un peu un éditorial, c'est dans mon style. Alors, je peux vexer, mais je vais vous faire réfléchir. Et mon intention et mon but n'est pas de choquer ni un ni l'autre, mais peut-être de nous sortir de notre torpeur et puis d'aller plus loin dans notre comportement comme dans notre réflexion. Alors, le titre, Ce Dieu qui nous appelle à l'excellence. Ce Dieu qui nous appelle à l'excellence. Est-ce que vous iriez voir un médecin qui s'appelle médecin, mais qui n'a pas terminé son cégep pour vous faire opérer? Est-ce que vous iriez voir un avocat que tout le monde sait qu'il est fraudeur, qu'il n'a pas passé son droit et que le barreau le recherche parce qu'il passe faussement son titre pour vous présenter en cour, dans une cause importante? Je crois que non. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? On fait une dichotomie entre notre vie sociale ou notre vie professionnelle et même notre vie d'église. Et dans ce sens-là, je fréquente cette église et je la fréquenterai en autant qu'on vise l'excellence. Je vais vous mettre un peu de pression. Si on ne vise pas plus haut, on n'osera pas amener nos amis, on n'osera pas fréquenter un lieu dans lequel on n'irait même pas ou on ne gardera même pas un travail. Souvent, on aborde le bénévolat ou on aborde la vie d'église comme étant quelque chose de secondaire ou même de tierce ou de pas important. Et dans ce sens, on n'honore pas Dieu, on donne une mauvaise image de Dieu. Et dans ce sens, je dis et j'affirme on se ment soi-même et on ment aux autres et on manque d'amour. Alors j'aimerais vous rappeler quelques versets. Je vais essayer d'être bref, court. Ça va être assez du contenu comme je fais d'habitude, éditorial, c'est-à-dire assez condensé. Et ça vous donnera de quoi réfléchir. Et il me fera plaisir de débattre personnellement ou avec vous dans des places publiques, n'importe quel des propos que je tiendrai. Je peux les soutenir et vous pouvez. Et il me fera plaisir que vous ne soyez pas en accord avec tous et toutes. Et je ne vous dis pas, en effet, que c'est extraordinaire ou que ça vient de Dieu, mais c'est ce que je crois et ce que j'affirme. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous dit, sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Je pense que c'est quelque chose qu'on a appris. Ici, il y a de l'amour quand même. Les gens tiennent les uns les autres. Je vois Alphonse qui prend beaucoup de temps. Avez-vous des besoins? Avez-vous des besoins? Avez-vous des besoins? Et on voit son cœur d'amour les uns envers les autres avant que tous et tous s'expriment. Et vous le faites bien envers tous les frères. Dans ce contexte-ci, Paul, il leur dit par rapport à la Macédoine. Mais nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès. En mettant votre honneur à vivre calme, à chacun de s'occuper de vos affaires, mind your own business, qu'on dit en anglais, veille sur tes propres responsabilités. Des fois, on s'occupe tellement des autres responsabilités des autres qu'on ne s'occupe pas soi-même de ses propres responsabilités et on les assume mal ou on ne les assume pas. Ou encore, tout simplement parce que c'est un contexte, oh, on est entre frères, c'est l'Église, on fait tous broche à foin. Et on se demande des fois pourquoi il y a des églises extrêmement strictes, fondamentalistes, qui sont absolument, pour moi, théologiquement, même destructives psychologiquement, grandissent, croissent, et on voit des fois des milliers de personnes, je pourrais vous en nommer dans la région montréalaise, tout simplement parce qu'ils font les choses bien, avec excellence, dans leur propre domaine. Alors, je me dis, lorsqu'on a une théologie qui est quand même, il me semble, protestante, de libres penseurs, de personnes qui peuvent évoluer avec une acceptation, avec une inclusion comme cette église, nous devons faire les choses mieux. Alors, ça, c'est ma petite note encore éditoriale et je vais en avoir plein dans ce message. Et oui, je suis habitué à parler à des foules parce que je vise toujours pour moi un message pour moi qui je pense à tous et à tous et pas seulement à notre groupe ou groupuscule. D'accord? En mettant votre honneur à vivre calme, à vous occuper chacun de vos affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons ordonné. Ainsi, vous menerez une vie honorable au regard de ceux de dehors, et vous n'aurez besoin de personne. L'idée, c'est d'avoir une certaine autonomie. C'est curieux, mais il y a des gens qui ne fréquenteront jamais une église protestante comme la nôtre, tant et aussi longtemps, et je les comprends, nous ne faisons pas un effort pour viser l'excellence. Parlant d'excellence, le terme vient un peu, ça dérive un peu de « arete », qui est le terme « vertu » de la part d'Aristote. C'est-à-dire, cette visée pour cette finitude, c'est-à-dire notre Dieu, pour nous qui croyons, pour un théologien, Dieu est un Dieu excellent. S'il n'est pas Dieu de l'excellence, il n'est pas Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'accepte pas nos manquements, qu'il ne nous pardonne pas, qu'on ne peut pas avoir des temps difficiles? Oui, on peut avoir des déprimes, on peut avoir des temps difficiles, on peut avoir un peu de valorisation de soi-même, on peut se flatter, on peut se dire « Ah, émotivement », on peut chercher l'émotion pour combler, pour avoir de la paix. Mais à la fin, lorsqu'on comprend ce que Dieu est et plus notre compréhension de qui Dieu est, on vise à faire les choses comme il faut et bien faites. Certains d'entre nous, de la manière dont nous nous comportons dans le contexte d'Église, je ne pense pas que je vous engagerai, puis je ne pense pas qu'il y a grand monde qui vous nous engagerait. Alors, faisons les choses bien. C'est ma petite note éditoriale, mais pour s'améliorer de progrès en progrès. D'autres textes, s'il vous plaît, Jacques. De même que vous excellez en tout. Alors, il parle de l'excellence. Vous excellez en tout. Foi, la foi, croyons au meilleur. Tant qu'exceller, excelle dans la foi. Tu sais, la déprime, ça passe. Mais quelque part, il faut croire que notre Dieu, si on croit à ce Dieu d'excellence, il va nous appuyer. Et lorsqu'on vise l'excellence, on est bien. Je dis à quelqu'un, si tu prends des vacances, prends des vraies vacances. Profite-en pleinement. Si tu travailles, travaille bien, rentre à l'heure, sois de rigueur. Si tu fais un sport, fais-le bien, tu vas avoir du plaisir. Si tu fais le ménage, fais-le bien, fais-le le mieux que tu peux. Si tu es en couple, organise-toi pour que ça fonctionne. Essaye ton meilleur, ton mieux. Il me semble qu'on se sent bien. Sur ce sujet, je fais une petite parenthèse, je vais plugger le livre d'un de mes bons amis qui est ici, André Lafrance. André a écrit deux bons textes. Ça a été sa passion de sa vie. André, qui vient régulièrement à cette église protestante, était malade. Alors, je lui donne je fais brièvement un peu un témoignage. J'étais très, très malade. Et il a cherché à comprendre la maladie et comment améliorer son état de santé. Et à l'époque, si vous vous rappelez, c'était Anne Cellier et d'autres qui étudiaient au sujet du stress et d'aller contre l'angoisse et d'avoir une meilleure qualité de vie. Et il a écrit « 12 clés d'or de l'équilibre », un bon livre, « Comprendre le stress, marcher dans la zone d'équilibre ». Finalement, un outil de vulgarisation et dans lequel il en vient à la conclusion, et c'est ce qu'il m'a allumé quand on s'est parlé, que si tu cherches l'excellence dans certaines valeurs, la créativité, le respect concernant l'intégrité, et tu vives l'excellence dans ces valeurs, ta santé s'améliorera et ta qualité de vie et tes relations humaines vont s'améliorer. Alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Hey, André, c'est fabuleux et on va travailler ensemble dans certains dossiers ». Alors, il a écrit aussi, et c'est intéressant, « L'autoroute du bonheur, 12 clés d'or », il les appelle clés. Il n'y a pas un langage, je ne suis pas un éthicien comme moi avec un langage philosophique assez spécialisé. C'est un gars du peuple, un promoteur qui a fait de la promotion, du marketing à l'époque. Et puis, il a vulgarisé une auto-analyse, comme une grille dans laquelle tu peux t'évaluer. Où suis-je par rapport à ces valeurs? Où suis-je par rapport à ces vertus? Et comment puisse-je avoir un plan d'action pour travailler sur celle-ci et m'améliorer. Alors, je vous le conseille, vous irez voir André. Alors, c'est ma petite plug du matin, mais je pensais que c'était à propos de le dire concernant le message de ce matin. Mon éditorial. Alors, vous excellez en tout, foi, il faut exceller dans la foi. Crois à ce Dieu tout-puissant. Crois à ce Dieu qui veut intervenir. Ose croire. Tu sais, vivre déprimé toujours, vivre selon nos émotions à chaque moment. Oh, la foi, ce n'est pas simplement un ensemble de doctrines. La foi, c'est croire que ce Dieu-là va t'appuyer. Si tu vises l'excellence, ce Dieu d'excellence va t'encourager et va intervenir. Deuxièmement, la parole. Alors, la parole, c'est tout. On communique par la parole. La science, la connaissance. La science, c'est le mot scientifique, le mot connaissance. Empressement de toute nature, charité que nous avons communiqué. Il faut exceller aussi en cette libéralité. Alors, je suis très heureux de l'initiative de Cindy, du conseil ici, qu'il mentionnait ce matin concernant les libéralités. Il me semble viser l'excellence en tout. Et ça veut dire aussi que si nous croyons dans une organisation, parce que c'est un organisme, une organisation, une église, peu importe qu'elle soit catholique, protestante ou autre, faisons-le bien. Sinon, arrêtons tout court. On n'est pas des cons. Il me semble qu'on est assez intelligent pour savoir si on veut que ça fonctionne, organisons-la comme il faut. Si nous n'y croyons pas, arrêtons ça. Mais si nous y croyons, faisons-le bien. Alors, l'autre verset, s'il vous plaît, Jacques. Et voici ma prière, que votre charité croissant toujours de plus en plus s'épanche en cette vraie science et ce tact affiné qui vous donnera de discerner le meilleur et de vous rendre pur et sans reproche pour le jour de Jésus-Christ. Alors, de discerner le meilleur et de vous rendre pur et sans reproche pour le jour de Jésus-Christ. Alors, on a une visée et il faut discerner. Il faut avoir une certaine sagesse. Comment ça se passe, la game? Je veux jouer, on me donne tel rôle au football. Je pensais à mon ami, comment s'appelle-t-il, Jacques, votre joueur de football ici, là, votre jeune? Hein? Jean-Philippe? Oui? Alors, Néhémie, d'autres. Alors, si tu fais un sport, tu comprends ton rôle, tu essaies d'apprendre, t'observes, tu vois et tu fais ton mieux. Quand je vais à l'école, quand je vais aux études, les gens me disent « Oh oui, toi, c'est facile, Jean-François, tu es bon, t'es bon à l'école. » Oui, je suis bon à l'école, je suis très, très bon. Je vise d'être le meilleur. Honnêtement, je vise toujours 100%. Puis si je n'ai pas en plus, je ne suis pas content. Hey, t'es orgueilleux, tu te prends pour quelqu'un? Peut-être. Mais si je ne le vise pas, je ne l'aurai pas. Et quelque part, après, je suis fier, je suis content, ça fait du bien. Il y a une émotion d'avoir fait cette démarche. Et il y a une émotion de sentir, on se sent, on se perçoit bien, et on dit quelque part, peut-être je suis mieux d'en faire moins, mais de bien le faire. Alors, il y a un discernement à avoir, un discernement, je ne vous donnerai pas, je n'irai pas là-dedans dans le grec, mais ça veut dire, j'observe, je regarde comment faire pour le mieux faire. Des fois, dans une situation, je vous donne un exemple, dernièrement, j'ai eu une formation avec pendant quelques jours avec ce qu'on appelle un tallyman, c'est-à-dire un Cree tallyman. Un tallyman, c'est le gardien ancestral d'un territoire de chasse et de pêche et de amérindien. Alors, c'est passé de famille en famille. Souvent, c'est leur territoire de trappe, de territoire de chasse, et le père va parler au fils, puis il va lui confier, et c'est reconnu dans la communauté. Ce sont des gens d'un calme, dans lequel la notion du temps est différente, d'une grande sagesse, et j'étais épaté parce qu'il écoutait son père, et il se rappelait quasiment toutes les paroles que son père lui a dit dans sa vie. Et je me suis mis à pleurer parce que mon père était décédé dernièrement, mais je pense à ma petite sœur qui vient de vivre la même chose. Et je me disais, si vous saviez comment on aurait à apprendre de vous, parce que je ne porte pas, j'ai pas porté les paroles. Attention aux paroles de papa. Alors, et ça me touchait de voir à quel point c'était précieux et conservait le territoire et la manière de vivre traditionnelle. Alors, c'est évident, il me racontait, et il me faisait visiter par Google Earth, maintenant on est capable d'aller par satellite, il me montrait ses territoires, tel lac, telle place, il dit, hélas, ce territoire-là, c'est moi qui le nomme, c'est moi qui ai l'autorité de le nommer. Et j'ai appelé cette montagne-là, Allenstown, la ville d'Allen, c'est son prénom. Il peut le faire, il nomme les choses. Alors, dans son domaine, dans sa perspective, dans sa responsabilité et son style de vie, il a l'excellence. Alors, ce n'est pas réservé à une manière cartésienne, nord-américaine, occidentale. Alors, c'est du domaine dans lequel nous nous impliquons. Et ce Dieu-là, il nous donne d'en faire toujours plus. Est-ce que j'ai... vas-y. D'accord. Ecclésias nous rappelle... Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le tant que tu en as la force. Car ni œuvre, ni réflexion, ni savoir, ni sagesse dans le ciel où tu t'en vas. Notre temps est limité. Gérons-le bien et œuvrons dans l'excellence. Et regardez encore, il parle des domaines. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de réflexion. Là, tu peux réfléchir, tu peux penser. Il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de connaissance de l'autre côté, là. C'est autre chose. Ce n'est pas comme ici, sur cette terre. Et ni sagesse, lorsque c'est terminé. Alors, je vous exhorte, je m'exhorte, à lever la tête, considérer que si Dieu, et je crois que Dieu existe, il est un Dieu d'excellence. Et dans ce sens que si nous faisons l'effort d'une étape, au moins passer de l'étape point 1 à point 2, Certains d'entre nous, on n'a pas les mêmes talents, on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas... Mais dans certains domaines, je ne serais absolument pas capable de faire ce que vous faites. Et dans d'autres, vous pourriez faire ce que je fais. Mais dans ce que vous êtes appelé à faire, dans tout ce que vous êtes appelé à faire dans votre vie sociale, vie familiale, vie collective, vie politique, peu importe, nous visons l'excellence. Faire moins est déshonorant pour vous-même et pour Dieu, et en réalité pour les autres. Et au niveau relationnel, c'est aussi un art. Je ne dis pas tout à tous de la même manière. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. C'est un peu la sagesse. Quoi faire, comment le faire, quand le faire. Mais lorsque je le fais, à ce moment-là, je le fais bien. Je vise l'excellence. Alors, c'est mon éditorial de ce matin, ma petite réflexion. Essayons d'aller de cette démarche-là. Et je vous dis, vous avez foi en Dieu? Développez cette foi en Dieu. Et je pense que, quelque part, il nous réserve des surprises, de grandes surprises. Alors voilà, c'est tout. Bonne journée.